بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que vous allez bien, si votre famille. On va parler, comme je vous l'ai dit hier, du Dajjal. Alors, on va tout d'abord regarder qu'est-ce que ça signifie le terme Dajjal. Linguistiquement, Dajjal est dérivé du mot Dajjal qui veut dire le menteur et l'imposteur. Religieusement, il s'agit d'un homme qui sera un imposteur et apparaîtra à la fin des temps et réclamera la seigneurie. C'est-à-dire, il va dire que c'est lui, Allah. Maintenant, on va faire sa description physique. Sa description physique, alors. D'après Abdullah ibn Umar, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Au cours d'un sommeil, j'ai fait un rêve pendant lequel je faisais le tour de la Kaaba. Soudain, je me suis retrouvé en présence d'un homme brun, aux cheveux crépus, se tenant debout entre deux hommes. » La tête laissant échapper des gouttes d'eau. J'ai dit, qui est celui-là? Ils m'ont dit, c'est le fils de Marie. Je me suis mis à tourner la tête quand brusquement je me suis retrouvé devant un homme rouge, de forte corpulence, aux cheveux crépus et à l'œil droit borgne et semblable à un raisin flottant. J'ai dit, qui est celui-là? Ils ont dit, c'est le Dajjal. Et par Al-Bukhari. D'après Ibn Umar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Dieu n'est certes pas borgne, alors que l'antéchrist, lui, est borgne de l'œil droit qui ressemble à un raisin flottant, rapporté par Al-Bukhari numéro 3180. D'après Ubayd ibn Samit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai tellement parlé de Dajjal que je crains que vous ne le compreniez plus. L'antéchrist est certes un homme de petite taille, aux cheveux crépus et à l'œil effacé qui marche, les talons écartés. Son œil n'est ni exposé ni creux. Si vous n'arrivez pas à le reconnaître, sachez que votre maître n'est pas borgne, rapporté par Abu Daoud. Selon Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun prophète n'a été envoyé qui n'ait averti son peuple à propos du menteur borgne. Il est certes borgne et votre maître ne l'est certes pas. Il est inscrit entre ses yeux « Kéfir ». Tout croyant lettré ou non le lira, rapporté par Al-Bukhari. Dans une autre version, il sera inscrit entre ses yeux « Kafira ». Il faut savoir aussi qu'il n'enfantera pas. Maintenant, on va parler du lieu de son apparition. Abu Bakr al-Siddiq a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'antéchrist jaillira d'une terre de l'Orient appelée Khurazan, apportée par Ahmad al-Tirmidhi. Et par le biais de Anas ibn Malik, il est précisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le faux messie sortira du quartier juif d'Isfahan. Il y aura avec lui 70 000 juifs, rapporté par Ahmad. Les lieux qui lui sont inaccessibles. L'imam Al-Qurtubi a dit Al-Bukhari et Muslim rapportèrent d'après Anas ibn Malik que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas un pays sans que le Dajjal ne foule sa terre sauf Médina et Mecca. Abu Bikr rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'antéchrist ne pourra pas semer la terreur dans la ville de Médine car en ce moment Médine aura 7 portes dont chacune sera gardée par 2 anges, rapporté par Al-Bukhari. Concernant l'époque de son apparition, Jabir ibn Abdullah radallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'antéchrist fera son apparition à une époque de régression de la religion et de la science », rapporté par Ahmed. Sa tentation sera la plus importante entre la création de Adam et la venue de l'heure. D'après Imran ibn Hussein radallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Il n'existera pas entre la création d'Adam et la venue de l'heure une créature plus imposante que Dajjal. Il portera un paradis qui sera l'enfer et un enfer qui sera le paradis. » Selon Hudayfa, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'antéchrist, il possède un paradis et un enfer, mais son enfer est un paradis et son paradis un enfer, rapporté par Muslim. » Concernant le temps qu'il restera sur terre, selon An-Nawas ibn Sam'an, radiallahu anhu, les compagnons ont dit « Ô messager de Dieu, combien de temps restera-t-il sur terre ?» 40 jours, dont un jour long comme une année, et un autre long comme un mois, et un autre long comme un vendredi, et ces autres jours seront comme vos jours. » Sa vitesse de déplacement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui répond à cette question, dit sallallahu alayhi wa sallam, « Il sera aussi rapide qu'une pluie poussée par le vent, rapportée par Muslim. » Invitera les gens à témoigner qu'il est le Seigneur. Abu Sa'd al-Qudri radiallahu anhu rapporte « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme ainsi exécuté par Dajjal sera l'un des meilleurs sinon le meilleur de son temps. La victime sera sortie de la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et aura dit à Dajjal « J'atteste que tu es l'antéchrist dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous avait parlé. » Dajjal dira alors, que diriez-vous si je tuais cet homme et le ressuscitais? Douteriez-vous de la réalité de mon acte? Non, dit l'assistance. C'est alors qu'il l'exécutera, puis le ressuscitera. Et la victime dira, au nom de Dieu, ma vision dans ton état n'a jamais été aussi claire. Dajjal voudra alors le tuer de nouveau, mais il sera empêché. Rapporté par Al-Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se présenta à des gens, les invitera à le suivre, et ils le suivront. Il donnera au ciel l'ordre de pleuvoir et il le fera, et à la terre l'ordre de faire pousser sa végétation et elle le fera. Les troupeaux rentreront le soir si engraissés que leurs bosses seront les plus élevées, leurs mamelles les plus nourries, leurs côtes les plus étendues. Il se présentera par la suite à des gens et les invitera à le suivre et ils rejetteront son appel. Peine les quittera-t-il qu'ils redeviendront si démunis qu'ils ne posséderont plus rien. Il traversa une terre dévastée et lui dira « Fais sortir les trésors et ceux-ci les suivront tels une colonne d'abeilles. » Et puis il appellera un homme dans sa tendre jeunesse et lui assènera un coup d'épée qui le tranchera en deux parties projetées loin des lieux. Puis il appellera l'exécuté et celui-ci avancera vers lui en riant le visage radieux, rapporté par Mousselet. Concernant sa mort, d'après Abdullah ibn Omar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'antéchrist fera son apparition au sein de ma communauté et y restera 40 jours. » Il a cité l'intégralité du hadith. L'on y trouve dans ce hadith « Dieu dépêchera Jésus fils de Marie alayhi salam qui apparaîtra sous la forme d'Urwa ibn Mas'ud et il se lancera à la recherche de l'antéchrist et le fera périr » rapporté par Muslim. Concernant les moyens de se protéger de lui, j'écrirai un post sur ça et je le mettrai dans la story, Inch'Allah. Screenez-les au max et partagez, Barakallahu fikoum. Donc pour résumer tout ce qu'on a dit concernant Dajjal, premièrement, c'est un être humain qu'Allah a créé pour éprouver les hommes à la fin des temps. Il en égarera beaucoup à travers lui et en guidera beaucoup. Cependant, il n'égarera que les pervers. Deuxièmement, à la fin des temps, il lui sera autorisé de se manifester dans un premier temps à Isfahan, dans une contrée connue sous le nom d'El. Yahoudiya, la juive, 70 000 juifs parmi ses habitants s'allieront à lui et seront armés d'épées et vêtus de Seijen, c'est un habit que portent les juifs. Ensuite, dans un premier temps, il apparaîtra sous l'image d'un roi tyran. Ensuite, il prétendra qu'il est un prophète pour enfin prétendre à la seigneurie. Les ignorants et les moins que rien le suivront, alors que ceux qu'Allah aura guidés parmi les vertueux et ses alliés s'opposeront à lui. Sixième point, il conquérera les pays les uns après les autres. Et fera tomber les citadelles une à une, contrée après contrée, région après région. Il ne restera pas une terre sans qu'il ne la foule du sabot de sa monture et de son pied, sauf Médine et Mecque. Septième point, il restera sur la terre une période de 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et le reste de son séjour équivalent au jour habituel. En tout, cela fera un an, deux mois et 15 jours. Huitième point, Allah lui accordera de multiples pouvoirs afin d'égarer les gens qu'Allah aura voulu parmi ses créatures. Cependant, les croyants ne céderont pas à ces tentations, ils vont au contraire se raffermir dans la foi et seront plus clairvoyants et guidés. Neuvième point, Isa ibn Maryam, alayhi salam, redescendra sur la terre à l'époque du Dajjal sur le minaret blanc situé à l'est de Damas. Les croyants et serviteurs pieux d'Allah s'uniront alors autour de lui. Ils voyageront à la recherche du Dajjal en direction d'Al-Quds. Le Dajjal le fuira, mais il se rattrapera à la porte de l'Oud. Enfin, dixième point, face à son adversaire, le Dajjal fondra comme le sel fond dans l'eau. Il le cernera et le tuera d'un coup de lance à la porte de l'Oud où il mourra, qu'Allah le maudisse. La source, c'est le livre An-Nihaya fil Fitan wal Malahim. Voilà, j'ai terminé. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou vous avez une question par rapport à ce sujet, n'hésitez pas. Et surtout, surtout, n'hésitez pas de partager. Barakallahu fikum, ça ne vous coûte rien. Juste vous screener et vous partager. Barakallahu fikum, afin que le plus de monde soit au courant. Parce que c'est une épreuve qu'on vivra à la fin des temps. Il faut que le plus de musulmans soient au courant de qui il est, comment le reconnaître et tout ça. Donc n'oubliez pas de partager. Barakallahu fikum. Je vais vous mettre dans l'histoire qui suit tout ce que j'ai dit en résumé par écrit, comme ça vous pouvez screener, Inch'Allah.